serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des.